J'ai pas fini de prendre les médailles, déterre comme si j'avais rien à graille. Je donne tout au petit avant de die. La vie c'est comme un toit, ça up and down, down. J'ai pas fini de prendre les médailles, déterre comme si j'avais rien à graille. Je donne tout au petit avant de die. La vie c'est comme un toit, ça up and down, down. Avec ma voix, j'ai pété les mili, y'a mon nom sur la toile, et quand j'en vois, quand je suis en boîte de nuit, c'est la guerre des étoiles, et je suis dans ma hype, je danse avec Franglish, y'a juste à suivre la vibe, ça fait un bail, que tu me vois prendre des risques, tu connais Shinsekai, et je suis dans mes jeans, l'amour c'est mon dada, y'a personne à ma table, et un petit quiz, sur ton écran plasma, qui fait le OOA, quand je me confie, je suis en télétravail, on arrête pas la maille, et je donne à ma queen, je donne à tous mes semblables, je donne à ceux qui n'ont pas, que tu nous guides à améliorer nos failles, pour pas mourir comme ça, si fait moins 10, je suis dans la business class, en direction Dubaï, c'est pas la crise, dans ce game y'a la place, tant que tu restes à ta place, je fais plus la bise, bien avant Corona, hypocrite nique ta. J'ai pas fini de prendre mes médailles, déterre comme si j'avais rien à graille, je donne tout au petit avant de die, la vie c'est comme un toit, ça up and down, down. J'ai pas fini de prendre mes médailles, déterre comme si j'avais rien à graille. Je donne tout au petit avant de die. La vie c'est comme un toit, ça up and down, down. À ce qui plaît, ça faire la monnaie, mais c'est des comiques. Je ferai tout pour le gang, baby mama veut acheter Gucci. Toujours posé dans la tête, j'écoute plus les ondes. 27 marqués sur la chaîne, on vise le top avec mes OG. 27 ans se remplis d'or, ils ont la rage, moi je m'en tape. On vient t'éteindre comme au dog, je suis un cactus comme Jack. De cave à nous on les choque, j'ai du miel dans mon sac. Je suis son bébé, je suis sa drogue, donc elle veut plus passe la bague. Elle sait que mes homies sont gang, elle sait qu'on est chaud, on vient de la West Side. Elle veut donner ses fesses pour avoir mon cœur, c'est dingue. Je suis avec Jockey Baki, j'allume mon spliff, lâche fly. Avec ta joue sur le périph', on sait que tu nous kiffes, tu l'as que sur un. J'ai pas fini de prendre mes médailles, déterre comme si j'avais rien à graille. Je donne tout au petit avant de die. La vie c'est comme un tour, ça up and down, down. J'ai pas fini de prendre mes médailles, déterre comme si j'avais rien à graille. Je donne tout au petit avant de die. La vie c'est comme un tour, ça up and down, down. Ça twerk, ça up and down, down, down, down. La vie ça twerk, ça up and down, down.